Bonjour à toutes et à tous, c'est Alex. Bienvenue sur Radio Gamazo, station 107 FM, pour cette 14e chronique de Mille et une histoires de tatouage. Commençons, comme à l'habitude, par un rapide résumé de la chronique précédente. Dans celle-ci, nous avions parlé du tatouage temporaire ou éphémère et du tatouage semi-permanent. Avions poursuivi par le style de tatouage cartoon ou dessin animé et avions terminé par le motif de la couronne et ses significations. Pour cette nouvelle chronique, nous parlons de la première partie du tatouage dentaire. Continuerons avec un style de tatouage pour finir avec un motif et ses significations. Il est temps de démarrer. Le tatouage dentaire est une mode venue des États-Unis et d'Asie, mais qui est encore peu répandue en France. Une personne ayant pour but de se singulariser, de rechercher un certain esthétisme, en arborant sur une dent un symbole comme une fleur, un animal, ou encore plus anecdotique, le visage d'une personne célèbre aura recours à ce processus. Une personne voulant arborer un motif sur sa dentition ira voir un chirurgien dentiste. Le tatoué devra rester prudent, car à l'instar d'un bijou dentaire, la pratique n'a aucune finalité thérapeutique. Mais en quoi consiste cette pratique ? Tout d'abord, il faut savoir que le tatouage dentaire ne correspond pas en réalité à la définition stricte du tatouage, celle-ci étant marque, inscription ou dessin indélébile pratiqué sur la peau à l'aide de piqûres et de colorants. Ce terme, pour définir le tatouage sur la dent, est donc un abus de langage, car ceux-ci sont soit dessinés sur les couronnes prothétiques, soit collés ou dessinés sur l'émail, ce qui nous amène à deux catégories relativement distinctes. Le tatouage dit temporaire, qui ont une durée de vie de quelques semaines à quelques mois, ils sont collés sur la dent à l'aide d'un adhésif dentaire. Il s'agit soit d'une décalcomanie ou de dessins réalisés par des laboratoires la prise de l'empreinte dentaire. Ces tatouages sont d'une épaisseur de 0,2 à 0,4 mm. Ils peuvent aussi être également peints. Ces derniers sont donc réalisés par un spécialiste qui, à l'aide d'une peinture spéciale, réalise le dessin choisi par le client. La deuxième catégorie est le tatouage qui est dit définitif. Donc, pour ce faire, une couronne prothétique sera fabriquée et c'est via le laboratoire de prothèses que le dessin sera conçu. C'est un tatouage qui sera fait directement sur la surface de la céramique à l'aide de maquillants intensifs. Mais maintenant que vous en connaissez un peu plus sur le tatouage dentaire, vous vous demandez peut-être dans quelle mesure les dentistes peuvent être sollicités. Si c'est un tatouage peint, le chirurgien dentiste n'intervient pas, car toute l'opération se réalise auprès d'un spécialiste professionnel du tatouage. Si c'est un tatouage collé, hormis une décalcomanie que l'on peut acheter dans le commerce, le recours à un chirurgien dentiste pourra se faire lorsque la personne voulant se faire tatouer voudra un motif personnalisé, adapté à la taille et à la morphologie de sa dent. Une empreinte dentaire sera réalisée et envoyée au laboratoire qui fabriquera le tatouage. Une fois fait, le professionnel de la santé pourra intervenir pour effectuer la pose du tatouage à l'aide d'un adhésif dentaire. Cependant, pour un tatouage définitif, là, il faudra absolument passer par un dentiste car c'est la pose ou le remplacement d'une couronne prothétique qui permettra d'y apposer le tatouage car bien que le tatouage soit réalisé par un laboratoire de prothèses, seul le dentiste pourra effectuer la prise d'empreinte et la pose. Mais y a-t-il des risques spécifiques ? Même si les tatouages collés ou peints sont temporaires, il en existe en effet. Accumulation de la plaque dentaire au niveau de la dent concernée. Possible lésion interne de la lèvre par frottement avec le tatouage. Émail abîmé au niveau du lieu de collage. Présence de résidus de colle sur la dent une fois le tatouage enlevé. Cependant, à ce jour, aucun cas d'allergie en rapport avec le tatouage lui-même ne semble avoir été relevé. Pour ce qui est du tatouage définitif, ce sont les risques habituels liés à la pose d'une couronne prothétique qui demeure. Nous parlerons dans la chronique suivante du comportement adopté lorsqu'un chirurgien dentiste est confronté à la demande d'un client pour un tatouage dentaire. Mais comme vous l'avez entendu, le tatouage dentaire est encore peu présent en France. Et si vous souhaitez vous faire ce type de tatouage, il est important de connaître la procédure à suivre et les risques. Passons à la deuxième partie de cette chronique, un style de tatouage. Le style du jour est le style Chicano. Le style Chicano est un style qui est né dans les années 1950, dans les prisons californiennes, pour célébrer l'appartenance à la communauté latino de ceux qui les portaient. Ainsi, ancrés dans leur corps, la fierté latino animée par les prisonniers aux origines latino et mexicaines, qui étaient souvent des membres de gangs, créaient ainsi leur vie au monde entier. Que ce soit de par son appartenance à un gang, sa loyauté envers son clan et l'amour pour sa famille, les tatouages vantent l'origine des valeurs qui dictaient la vie de celui qui les portait. C'est un style de tatouage qui est inspiré de l'iconographie religieuse catholique, de l'histoire précolombienne et des arts de rue comme le graffiti. De grands thèmes sont retrouvés de manière récurrente dans ces tatouages, la famille, les femmes, Dieu, la mort, le respect et la loyauté. En ce qui concerne les couleurs, ce sont le noir et gris qui sont traditionnellement utilisés pour ces tatouages. Le fameux black and grey est donc un style qui conviendra parfaitement à ces pièces. La carte de visite du tatoué est donc représentée par son vécu, ses origines et ses empreintes d'histoire. Comme dit précédemment, c'est un tatouage qui est inspiré par la religion catholique. Les références à cette religion sont donc omniprésentes dans le tatouage Chicano, telles que la Vierge Marie qui pleure, signification d'une grande tristesse résultant d'un événement ou de la perte d'un être cher par exemple. Jésus, les anges et les mains en position de prière sont aussi récurrents, tout comme Santa Muerte et Sugar Skull, vous savez, ces crânes maquillés et joliment décorés qui expriment la joie. Ces derniers font d'ailleurs référence à la fête mexicaine des morts nommée El Día de los Muertos. Pardonnez ma prononciation. Pendant cette fête, les Mexicains chantent et dansent dans les cimetières pour rendre hommage à leurs morts, et les femmes se maquillent avec des couleurs lumineuses qui représentent des crânes et donc la mort. À la base, ces tatouages inspirés du folklore mexicain et de la fête des morts n'ont à l'origine rien à voir avec les tatouages chicanos. Cependant, il est maintenant dans cette catégorie. L'on retrouve aussi dans ce style de tatouage beaucoup de femmes. Elles représentent très souvent la mère, la femme ou la fille du tatoué que l'on nomme bandidas ou cholas. Elles sont souvent associées à des armes à feu, à des crânes ou à des dollars afin de symboliser le succès. Il renvoie aussi à l'amour et au fait que la vie est courte. Ce sont des motifs récurrents dans l'art du tatouage chicano. Mais ce ne sont pas là que les seuls symboliques en effet. Il existe des symboles aux connotations bien plus violentes comme des couteaux, des pistolets et des armes en tout genre, mais aussi l'incarcération et les symboles de tristesse comme les larmes, un visage qui pleure ou même la mort d'un proche, etc. Connaissez-vous ces deux masques, l'un qui pleure, l'autre qui rit tout le temps ensemble? Ceux-ci représentent quant à eux, ris maintenant, tu pleureras plus tard. Comme nous sommes dans les masques, l'on peut parler aussi des clowns qui, tout comme les pin-up maquillés en clowns, traduisent une devise qui dit que même si au fond tout va mal, il faut toujours garder le sourire. Il reste quelque chose d'incontournable du tatouage chicano dont l'on n'a pas parlé. Le lettrage. Inspiré du graffiti, la plupart du temps ce sont des devises en lettres ornementées qui sont souvent pourvues d'une pointe saillante en forme de diamant centré sur chacune des lettres. Ce sont des écritures qui, très travaillées, sont magnifiques, peu importe qu'elles soient tatouées seules ou qu'elles accompagnent un motif principal. Comme vous l'aurez compris, ce style de tatouage est un style qui, à la base, signifiait l'appartenance à un gang à la communauté latino. Mais avec le temps, bien que les bases soient toujours les mêmes, le tatouage chicano s'est ouvert à une plus grande partie de la population. Donc si vous voulez vous faire tatouer une vierge qui pleure, une femme maquillée en clown ou des mains en position de prière, c'est tout à fait possible. À vous de voir si vous voulez utiliser le black and grey ou la couleur. Dirigeons-nous à présent vers la dernière partie de cette chronique. Un motif et ses significations. Le motif du jour est la salamandre. Parlons tout d'abord de la salamandre. C'est un amphibien commun sur le continent européen qui mesure environ 25 cm. Cependant, certaines espèces peuvent atteindre jusqu'à 2 mètres de long. C'est un animal qui pendant longtemps eut la réputation d'être insensible aux flammes, car selon la légende, son sang-froid pouvait éteindre le feu. C'est ainsi que durant le Moyen-Âge, plusieurs business se sont développés grâce à sa capacité à résister au feu. En effet, plusieurs marchands vendaient des tissus fabriqués avec des poils ou des peaux de salamandre qui devaient, comme vous l'aurez deviné, résister au feu et se nettoyer grâce aux flammes, ce qui était, faut bien s'avouer, relativement pratique. Cette capacité symbolisait aussi la foi chrétienne qui ne pouvait pas être détruite. La salamandre était aussi comparée au prophète Daniel ayant survécu au supplice des lions ou aux Hébreux qui furent jetés dans le feu sans être atteints. Ainsi, pour les chrétiens, les salamandres furent placées par Dieu dans les flammes pour qu'elles les protègent, en puisant la vie dans ce feu. Pour ceux-ci, c'était aussi des animaux qui vivaient une vie sainte, puisqu'elles éteignaient les feux de la luxure et les chaleurs ardentes du vice, servant avec dévouement le Seigneur. Mais ce n'est là que le bon côté. En effet, très rapidement, la salamandre écopa d'une réputation très négative, qui était liée à sa capacité à résister au feu, ce qui est paradoxal. C'est l'être élémentaire associé à l'élément feu en alchimie, qui symbolisait donc l'esprit du feu et qui est associé au mercure, le vif argent, c'est-à-dire l'esprit créateur. Elle signifie aussi, de par sa relation intime avec le feu, la chasteté et le courage. Mais ce n'est pas tout. Étant capable de régénérer sa queue, son cœur et ses yeux par exemple, elle est signe de régénération. Nous avons parlé de la salamandre pour les chrétiens, mais qu'en est-il pour les musulmans? L'eau dans la religion musulmane lui est associée, car elle vit dans cette dernière. Elle est aussi associée à la lune et est symbole de profondeur, de régénération, de croyance et de transformation. Elle symbolise l'élévation spirituelle, tel un animal qui remonte de l'ombre à la lumière à la recherche d'un bonheur simple et durable. Le tatouage salamandre correspond aux personnes discrètes et solitaires qui aiment la tranquillité et la simplicité. Le tatoué apparaît comme un être humble, contemplatif et serein, réussissant à prendre du recul vis-à-vis des événements. Ainsi, la personne arborant ce tatouage est sage et distingue l'essentiel. C'est un tatouage qui correspond aussi à l'optimisme pour toute épreuve qui se présente. Courage et patience malgré la souffrance sortent aussi de la salamandre. Considérée comme une apparition divine dans la culture polynésienne, la salamandre est censée protéger le porteur de ce type de tatouage. Dans la culture maori, elle protège les maladies, et dans la culture aborigène australienne, le tatouage d'une salamandre symbolise la repousse et la survie malgré les catastrophes. Pour finir, dans la science du blason, que l'on pouvait retrouver par exemple sur des boucliers médiévaux, la salamandre représente la constance et la justice, malgré le feu des tourments. Comme vous avez pu l'entendre, la salamandre a de nombreuses significations, le courage, la patience, la chasteté ou encore la régénération. Donc si vous recherchez un tatouage avec ce genre de signification, la salamandre sera parfaite pour vous, et ce, peu importe où vous la placez, cheville, épaule, dos ou côte.